sure did hurt his pride. Well, there's 100 miles of desert lies between his heart and mine. I don't need no food, no water, no, 'cause I'm running out of time. Fights and killing, wine and women, gonna put me to my grave. Running, hiding, losing, crying, nothing left to save but my life. On m'a appris un jour que la confiance, c'est un truc que plus tu l'accordes et plus les gens en face de toi ont du mal à la trahir. Alors moi, comme un con, ben je suis le truc. Peut-être que le plus haut risque de trahison pouvant venir des proches, cela m'empêche de me sentir bien auprès d'eux. Je préfère même balancer mes conneries, mes causeries ici, parce qu'on se connaît pas, plutôt que de parler sérieusement, me confier à un ami. Qu'est-ce que ça peut bien me foutre que vous me jugiez ici ? Dans la première partie, vous avez eu la chance d'écouter Trust avec le mitard, Grand Funk Railroad avec Rock'n'Roll Soul, Uriah Heep avec Stealing et Foreigner avec Dirty White Boy. Pour la seconde partie, elle débute avec Oncle Acid et les Deadbeats et le titre Melody Lane. Pour rappel, vous écoutez toujours L'Esprit Libre.

But he wrote a song about the chimes of freedom. They're flashing in my head. They're not invisible, you can see them. And they'll be flashing even when I'm dead. Brothers and sisters, oh say, can you see? We're still marching strong. And if I go down, I'm going in the knowledge that my comrades will carry on. And they'll pick up my guidon. They'll pick up my guidon. They'll pick up my guidon. Pick my guidon up and push on home. We started in a common crucible. Most had it worse than I. But we all learned lessons that we took too hard and come to guide our whole life by. After all these years, I can only say I'm proud to serve with y'all. I'll be in this outfit come what may until my final curtain call. And you'll pick up my guide on. You'll pick up my guide on. You'll pick up my guide on. Take my guide on up and push on home. Faire confiance, c'est un peu remettre sa vie entre des mains, dire à l'autre « Tiens, je te donne les clés de mon jardin secret, à toi d'en faire bon usage. » C'est dur de se confier, mais il le faut, c'est une chose évidente pour notre propre survie. Dans ma vie, je me suis jamais assez confié, j'ai été trop méfiant et c'est pourquoi aujourd'hui, je suis malade. Dans la deuxième partie, vous avez eu le bonheur d'écouter un morceau des Dead Pirates avec Clément. The Leslie Waste Band, Sea of Earth, Eddie Money, Wanna Be a Rock'n'Roll Star, et Watermelon Slim, Pick Up My Guide. Pour vous accompagner, encore un petit bout de chemin, mon petit morceau bonus qui pour cette émission est un morceau d'UB40. Je suis allé les voir une fois en concert, c'était à Martigues et je me rappelle très bien, dans le public j'étais entouré de femmes tout en folie. Avant d'assister au concert, je n'étais pas fan du groupe et puis depuis, ben, je m'y suis mis. Voilà, l'extrait que je vous propose n'est autre que I Got You Babe. Merci d'avoir écouté l'Esprit Libre, musical et pirate à la fois. Je vous dis à bientôt, que la musique soit avec vous et avec votre esprit. Amen. We'll be right back. got flowers in the spring. I got